14-25, activation orale, vivre. Répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. Mireille est parisienne. Et vous répondez ? Oui, elle vit à Paris. Bon, allons-y. 2. Les parents de Mireille sont parisiens ? Oui, ils vivent à Paris. 3. Vous êtes parisiens, vous deux ? Oui, nous vivons à Paris. 4. Tu es parisien ? Oui, je vis à Paris. 5. Madame Bello est parisienne ? Oui, elle vit à Paris.